les yeux battus, la vie de triste et les problèmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est dans la rue, tu rôles comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous ta fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Tu peux fumer comme un...